Chez Dolbo Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival du Bleuin à toute la population de Dolbeau-Mistassini et invite les gens à participer du même coup à ce grand festival. Et félicitations aux organisateurs. On va parler de baseball et du documentaire avec... on l'a vu beaucoup, beaucoup dans le documentaire 25 ans d'émotion à RDS. Évidemment, c'est sur Philippe Allou. On en parle avec notre collaborateur Jacques Dussault. Salut Jacques! Ça va très bien. Oui, ça va bien, ça va bien. Jacques, produit fini, c'était vraiment exceptionnel. Comme, et c'est là qu'on voit qu'on aurait pu faire facilement là 90 minutes. Facilement. Écoute, Philippe a une longue histoire à raconter. D'ailleurs... on pourra en savoir plus long, possiblement vers la fin du mois d'octobre, quand la traduction française de sa biographie sera publiée. OK. Mais Jacques, il y a eu beaucoup de choses. Hein. D'abord, moi, ce que je trouve dommage un petit peu, mais c'est pas grave, là, c'est mieux que rien, c'est les trois frères Allou, c'est exceptionnel, les trois frères Allou ont patrouillé le champ en même temps. Ça, c'est jamais vu au baseball. Et également, quand il avait été approché par les Dodgers, et c'est Jacques Ménard, l'intervention de Jacques Ménard à la toute dernière seconde qui a empêché ce déménagement-là, ça aurait été le fun qu'on le traite, ce sujet-là. Oui, mais disons que je pense que dans le cas des gens qui faisaient le documentaire, ils avaient une limite de temps. Mm. Alors, on a préféré pas toucher à ça, mais je sais, moi, pertinemment, que les gens qui ont fait le documentaire s'étaient énormément inspirés de la biographie de Philippe. Ouais. Et évidemment, on ne pouvait pas tout rentrer en 60 minutes. Non, parce que elle est actuellement faite en anglais, donc les gens ont dû la lire certainement. Et elle va sortir au mois d'octobre, version française. Oui. Jacques, on va parler d'abord de baseball. On va parler des Blue Jays qui ont mangé toute une à Oakland. Hier, ils ont gagné à Seattle. Mais comment tu trouves ça? Jacques, l'histoire des lanceurs partants, qu'on fait lancer des lanceurs de relève, je trouve ça correct, un départ. Du tout. Hein? Du tout. Écoute, moi, je ne comprends pas. Il devait sûrement avoir quelqu'un dans le réseau de filiales qu'on aurait pu rappeler pour un partant d'occasion. Oui. Sauf que, évidemment, si le bonhomme auquel on fait allusion n'est pas sur la liste des 40, il faut déplacer quelqu'un. Et si c'est un jeune... ben à ce moment-là, on peut perdre une année de contrôle sur en ce qui concerne l'arbitrage et l'autonomie. Alors, tu sais, ce sont des éléments auxquels souvent le simple amateur ne pense pas, mais c'est en ce qui concerne la direction des Blue Jays, on doit envisager toutes les possibilités. Ben Jacques, là-dessus, tu as raison, parce que si Vladimir n'est pas à Toronto actuellement, contournons pas d'histoire, c'est la principale raison. Parce que Vladimir... Puis il n'y sera pas avant la mi-septembre. Avril l'année prochaine. Tu penses qu'ils ne sont pas là en septembre? Ben non, parce que si on le rappelle, à ce moment-là, vous le mettez sur votre liste des 40 joueurs. Ouais. Et à ce moment-là, vous perdez une année de contrôle. Même en septembre, même si on peut monter ça à 40 joueurs. Eh bien. Ben à 40 joueurs, il faut que ce soit des joueurs qui soient sur la formation des 40. OK. Ben, j'ai pas vérifié récemment si le nom. Attends une seconde, j'ai un autre appel qui arrive, là, bouge pas. OK. C'est de la radio en direct. Mais c'est vraiment de la radio en direct. Ça va bien, écoute, je suis sur un autre téléphone, je peux-tu te rappeler quand ça va être fini? OK, ça marche, salut, bye. Ça s'appelle vraiment de la radio en direct. Ouais, excuse-moi. Oui, ça s'appelle vraiment de la radio en direct. Mais Jacques, là-dessus, tu sais, t'as un Sean Reed Foley qui va très très bien au niveau 3A, qui est un jeu... J'en ai un autre, ça, si tu le rappelles immédiatement. Ouais. Tu perds une année de contrôle dessus. C'est... La même chose avec Bichette, la même chose avec... Biggio. Ouais. Les Blue Jays regorgent de talents qui frappent à la porte. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Sauf que, dans le moment, on n'a pas de place pour tout le monde sur la liste des 40. Mais Jacques, c'est pas les Expos de Montréal, les Blue Jays dans le temps. C'est une équipe, c'est un assez gros marché. C'est, tu sais, je trouve ça déplorable un peu. Tu trouves pas ça? Écoute, je veux pas être méchant, mais c'est facile de dépenser l'argent des autres. C'est sûr, Jacques. Mais tu sais, à quelque part, on disait ça des Expos. C'est sûr que l'année est perdue, mais quand même, tu sais, on disait ça des Expos dans le temps, puis regarde ce que ça a donné. Fait que, mais les Blue Jays, écoute, il y a trois ans, ils ont fait de l'argent. Danny, excuse-moi de t'interrompre. Mais si tu rappelles Vladimir, puis tu rappelles Bichette, puis Reed Foley, puis Biggio, tu les rappelles tout de suite, là. Non. Ça ne donnera absolument rien pour la saison 2018 des Blue Jays. Mais Bichette... Ils ont frappé un mur, puis ils doivent vivre avec les conséquences. Ouais. Ce n'est que l'an prochain que la période vraiment, la nouvelle vague des joueurs va arriver. En ce qui me concerne, moi, c'est mon opinion. Là. Ouais. Évidemment, les Blue Jays... peuvent avoir une toute autre idée, mais ça, on va le savoir seulement à l'aube de la saison 2019. Mais Jacques, là-dessus, ce que je te dirais, c'est que dans le cas de poursuivre beaucoup les filiales, Bichette, Biggio, c'est pas prêt. Tu sais comme moi, Jacques, il manque encore... Tu sais, ils dominent pas. Ils connaissent une bonne saison, mais ils sont pas dominants comme Vladimir était, là. Ben écoute, dans le cas de Biggio, il y a au-delà de 20 circuits, pas au-delà de 80 points produits. 23 circuits. Alors si c'est pas dominé, ça, au niveau 2A, je sais pas c'est quoi. Dans le cas de Bichette, il a ralenti comparativement au succès qu'il avait connu la saison dernière, dans le A. Mais tu regardes ses statistiques, c'est encore très impressionnant. Mais le problème qu'on a peut-être à ce niveau-là, c'est qu'on a nommé Gurriel. Oui, lui, il va bien, lui, mais il était blessé. Ah, mais tu sais, je veux dire, c'est parce que Gurriel, a priori, c'est un joueur d'arrêt-court. Alors, techniquement, Bichette, c'est un joueur d'arrêt-court ou deuxième but. Alors, tu te dis, ben Gurriel, on va le laisser à l'arrêt-court. Vladimir va être au troisième. On va transférer Bichette au deuxième coussin. Mais Biggio, il arrive quoi avec lui? Biggio peut jouer au premier but. Mais ça, on le sait pas. Moi, je l'ai jamais vu jouer au premier but. Il a joué quelques matchs au premier but, même un cette semaine, dans le 2-1. Ah oui? Oui. Peut-être qu'on fait des expériences, là, parce que moi, je suis persuadé aussi que pas cette année ou l'année prochaine, mais éventuellement, on va utiliser Vladimir ailleurs qu'au troisième but. Oui. Ben moi, il y en a un qui a sorti sur TSN l'alignement de 2020, de ce que lui prédisait, puis il voyait Vladimir au premier but. Ah, ça ne sera pas impossible. Puis Kevin Smith, un jeune qui est dans le A, qui connaît une très, très bonne saison, encore une fois, qui est à Dunedin, lui, voyant... Mais c'est juste pour parler, comme on dit. Mais c'était quand même intéressant à suivre. Le cas de Donaldson, Jacques, moi, j'étais un de ceux qui disait, au mois de l'an passé, qui disait, ça, ce dossier-là, il faut qu'il soit réglé au camp d'entraînement. Si tu signes-le... comme à long terme, ou encore tu l'échanges pour avoir une valeur. Là, il s'est blessé au camp d'entraînement, Danny. Oui. Alors, tu ne pouvais pas le signer. Il était blessé. Quand il est revenu, il a aggravé sa blessure, il est retourné sur la liste des blessés, puis il n'est pas revenu depuis ce temps-là. C'est la même chose avec Tulowitzki. Oui, Tulowitzki. Ça fait un an là, que Tulowitzki n'a pas joué un match. Ça ne parle pas un match au niveau majeur, là. Même pas un match dans le baseball mineur. Hey, on l'a vu cette semaine, prendre quelques roulants à l'arrêt-court. T'as-tu vu ça, Jean, qui fait quelques exercices, mais il ne semble pas prêt à revenir. Là. Ça va l'année prochaine. Ah oui, ça ne donne rien de bousculer. Il l'a encore sur le contrat pour 2 ans, si je ne m'abuse. Alors, c'est faux. C'est comme le cas de Donaldson. Qu'est-ce qui va arriver avec lui? Je ne le sais pas, parce que dans le moment, c'est pas une monnaie d'échange. Ah non. Puis lui, il n'a pas de valeur sur le marché des joueurs autonomes non plus. Mais qu'est-ce qui va arriver avec lui une fois que il peut guérir puis revenir, je sais pas moi, pour le mois de septembre, ben là, s'il met des statistiques intéressantes sur le tableau au cours de l'hiver, ben on peut essayer de l'échanger ou de lui offrir un contrat d'un an. Ou encore un contrat d'un an, puis si on ne sait jamais, il pourrait revenir pareil, parce que ce ne sera pas plus que ça l'an prochain. Ce gars-là, l'année passée, il a été très bon en deuxième moitié de saison. En première moitié, c'était très ordinaire, mais en deuxième moitié de saison, c'était le meilleur joueur de la Ligue américaine. En deuxième moitié de saison, je te parle. Roberto Osuna, comment tu as trouvé l'échange? Ben moi, j'ai pas été surpris que les Blue Jays échangent, j'ai été surpris que les Astros viennent le chercher. Ouais. Parce que les Astros, si tu te souviens même, l'été dernier, il y avait un joueur de leur filiale qui avait été filmé alors qu'il agressait sa copine. Mm. Et puis on l'a convidé sur le champ. On a dit c'est la tolérance zéro pour la violence conjugale ou domestique. Ouais. Et puis, tu sais, d'ailleurs, je vais en faire un article pour la semaine prochaine, là. Mm. Mais, tu sais, je crois fermement que le principe que le gars doit être considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais par contre, il a accepté sans crier la suspension du baseball majeur. Mm. Et là, c'est mercredi, je crois, il doit se présenter en cour à Toronto pour répondre à des accusations. Et son avocat a déjà dit qu'il a plaidé non coupable. Okay. Alors, le dossier est loin d'être terminé, mais j'ai été surpris que les Astros allent le chercher. Sauf que ce qu'ils ont donné, ils ont donné Giles, qui avait un problème d'attitude, il avait eu mal à partir avec son gérant. Mm. Paulino, c'est un gars qui relève d'une suspension de 75 matchs aussi pour avoir utilisé des produits interdits. Et l'autre, c'est un gars qui a d'une belle promesse. Mais tu sais, ils n'ont pas donné vraiment grand-chose, là. Sauf que Giles devrait être en mesure d'être un bon releveur de fin de match chez les Blue Jays. Parce qu'il a perdu son poste avec les Astros, donc... Ben, à cause de son attitude. Ouais. Tu sais, il avait lancé son gant avec violence sur le monticule à un certain moment, puis il y a une prise de bec avec son gérant, puis les Astros ont dit, nous, on tolère pas ça, puis on l'avait rétrogradé. Alors, là, il est de retour avec les Blue Jays, et puis j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, parce que c'est un gars... Écoute, il y a 2 ans, il avait sauvegardé une trentaine de matchs. Là. Oui, oui. Alors, il est habitué à ce rôle-là. Mm. Mais les Jays n'en ont pas d'autres. Tipperoff n'est pas un job. Non. C'est un bon gars pour la 8e manche. Clippart, l'a déjà fait par le passé, mais c'est pas la solution non plus. On l'a essayé également. Donc, hey Jacques, en terminant les Yankees contre les Red Sox hier, Derek Aucoin disait... La game est pas finie, inquiétez-vous pas. Puis il y a un dénommé Steve Pearce qui lui s'est chuchoté. Il a réglé le cas assez rapidement. Il a réglé le cas assez rapidement. Mais dans le moment, quand tu regardes le classement, les Red Sox ont 8 victoires de plus que les Yankees. OK. Les Yankees sont soit 6 matchs et demi derrière, là. Ouais. S'ils ne gagnent pas les 3 prochains matchs contre les Red Sox, là. Je pense qu'à toute fin pratique, les Yankees doivent dire adieu au championnat de la division S de la Ligue américaine. Ouais. Mais faut pas oublier une chose. Walker. Exactement, ils sont menacés, là. Ouais. Est-ce que les A's d'Oakland puis les Mariners de Seattle, leur chauffe le derrière, là. Ouais. Est-ce que l'histoire des Aaron Boone, tu sais, il avait pas géré un match avant de venir comme gérant des Yankees, tu sais, c'est quelque chose, là. Est-ce que son inexpérience avec des... Il y a des gros égos là-dedans, il y a une chimie, les Yankees ont fait plusieurs acquisitions, tout ça mis ensemble fait en sorte que ça pourrait jouer. Tu sais, c'était pas gérant d'expérience, là, puis tu mais qu'est-ce qui arrive avec Cora? Ouais, mais les Red Sox... Avec Boston, c'est la même chose. Oui. Il y a de très gros égos, puis il n'y a aucune expérience comme gérant dans le baseball majeur. Par contre, il était l'adjoint du gérant des Astros. Oui, mais quand même, c'est pas lui qui prenait les décisions. Non, c'est sûr. Suggérer. Alors, il y a toute une différence entre être l'adjoint du gérant sur le banc et être le gérant. Parce que l'adjoint, lui, peut suggérer certains gestes à poser durant le déroulement d'un match, mais c'est le gérant qui prend la décision en définitive. Mm. Alors, tu sais, si la décision qu'il suggère, le gérant l'accepte et ça fonctionne pas, c'est le gérant qui est le dindon de l'affaire, c'est pas le gars qui l'a suggéré au gérant. Ouais. Mais... Parce que le gérant qui prend la décision, lui, il est sur la sellette à chaque fois. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est gérer dans la grosse pomme, c'est pas comme gérer les Rays de Tampa Bay, là. Non, mais c'est pas géré comme les Red Sox de Boston aussi. Ouais, dire une chose, c'est pas deux villes faciles où le joueur ou le gérant, chaque geste est épié à la grosse loupe. Oui, puis il faut qu'il se replace, c'est celui qui lance ce soir pour les Yankees. 2 mauvais départs de file. Ah ben lui, il faut qu'il se retrouve certain. Ouais. En fait, si tu regardes s'affiche au mois de juillet. Mm. Il y a une moyenne de points mérités en 4 départs. Je pense qu'il y a une moyenne de... Ou en 104 départs, je pense qu'il y a une fiche. Sa moyenne de points mérités est au-delà de 5. Ouais. C'est pas le lanceur qu'on avait vu en début de campagne où il était vraiment dominant. Là. Je ne vais pas parler d'un candidat sérieux au Cy Young. Il l'était. Oui, il l'était. Ah oui, ouais, c'est clair. Ouais. Jacques, un gros merci. On se reparle prochainement. Salut, Danny. Bye bye. Jacques Dussard.